Attends, attends, il y a du monde au bureau là. Attends. Ah, il y a l'équipe là, vas-y. Ouais, frère. Vas-y, c'est bon, il y a l'équipe postée sur l'escalier, c'est bon. Ah, guette, il y a tout le monde, ma guette. Ah, frère. Vas-y, on va voir. Si vous pensez de l'album, on va voir ça. Wesh, okay. Les mecs, il y a tout le monde là. Bien la famille ou quoi? Wesh, Max, la forme. C'est ma guette. Wesh, Cahier, ça vient d'où comme ça? 77, 94. Ouais, pilon. Reste quoi? Panier de tonton. Bah ouais, comme ça. Petite dédicace, mon ami. Wesh, Alain, ça fait quoi? Ça vient d'où? Pote, on galère, ah ouais. On cherche que le bif. Et dans des billets d'air. Eh, Nadin, dans la place. Boule, toujours là. Il est où comme t'es, un mec 17 là? Ah, toujours avec Pablo, hein, Sissi, hein. T'inquiète, c'est de la fraîche ça, mon pote. Ah ouais, comme d'hab, la fraîche. Dédicace au poteau, ouais. Mais qu'à l'ancienne, toujours là. Blanco pour BNR, mon pote. C'est pour BNR, les associations malfaiteurs. BNR de retour. T'es arrivé chez BNR. Pour les poteaux, BNR, le mon pote, t'inquiète. Spécial pour BNR Production. BNR Production, tout ça, merde d'ici. 77-185. On a du 13. Au mec de l'impasse. BNR de retour 2007. Le 007, mettons. C'est du son mytho, depuis la XV jusqu'à ton auto. 92, département des stupéfiants. T'inquiète, on fait du bif. Le FBI, cousin. Et pour tous ceux qui font peur. Ça arrive en juillet, mon pote, ça va me déchirer. Geoffrey, Royal, les deux. Ouf, les mecs, ouf. Ça c'est pas pillable. Eh oui. Eh ouais, c'est pour bientôt. On arrive cet été. Et moi en l'air c'est un braquage. Ok. Petit débile. C'est comme ça qu'on fait. On carbure au bédo toute la journée. Mais t'inquiète pas, on est toujours en forme. J'suis derrière le micro. Silex moi. T'as compris mon frère? Dispo est daté. C'est monsieur Plinon. Toujours en forme. Toujours la pêche, on a la gouache. T'inquiète pas. Ah man. Pour les potes, ça déboîte. C'est Clément mon pote, t'inquiète. Si si. Meuf 2. Si si, mon micro les mecs, c'est l'IM. C'est parti, soir c'est un reste, soit bien sapé. Tu veux pas rester trop tard, c'est trop d'esprit. Que des mecs de spi, soir ce, c'est la reste. Personne n'est un reste, sort ton bloc de chute et prends ton bloc note. Ici ça rap sec, éclate des têtes dans les cuts. Ça compte calcul à sec, à 5 ou à 7. Ça se passe comme ça, ambiance sky, vodka avec mes potes. Car c'est la tape, on met des potes, car ils niquent les petites putes, on met des rodka. Et tu finis à 4 pattes, en sortant de boîte. Sur le beat, je déboîte, c'est la débat. Moi et mes srab, roule un jack et on débarque. Toujours présent, 9-2, dissident. Les moulinots, ici, résident. J'ai, clic, clic, bois. Écoute mec, ça fait 7 ans qu'on pose des textes. Et on sort les anciens, viens pas test. Ouais, BNR. Mes projets, commencer à faire des concerts. Que les soirs soient blindés, que pour rentrer les gens se serrent. Que le mérite un sujet, que les places se vendent cher. Que je sois pas un passager, que les places se vendent aux enchères. Moi je vends des disques, que ma musique soit reconnue. Que leur tête ne reste pas fixe, devenir artiste connu. Que sur mes samples et DJ mis, que les se sont tous vendus. Comme s'il était classé is, que les gens s'y flattent mon instru. Je vois pas de célébrité, si je rentre là-dedans je fais une gaffe. Que les gens sachent qui c'est, qu'on me demande des autographes. Qu'on sache que j'ai chanté, qu'on reconnaisse mes graphes. Que mes rap soient classiques comme du rap sophistiqué, ha. Écoute ça, mon ancien texte sur le micro. Je représente mon hip-hop pour mes potos. Mon but, c'est garder les plus sur terre. Je voudrais être fier du hip-hop que je représente. 92, c'est la zone que je vous présente. Sans complexe, j'expose mes textes explicites à haute dose. Mes rimes illicites proposent une suite faite de rap. Prends la fuite si t'aimes pas le son, avant que je te rattrape, garçon. Attention aux gens qui s'interpellent sur mon talent. Moi je m'interpose, en m'écoutant tu trouveras qu'ils ont tort. À grosse dose, je te pose mon trésor. Des rimes et du son, c'est le nouveau sommet que t'écoutes. Avec ça, j'endors les critiques et ceux qui dégoûtent mon éthique. Mon frère, c'est l'équipe et l'homme de frère que je représente. Je m'en garde, BNR, c'est son faut qu'on vous présente. Car à ceux qui diront que notre rap vaut pas le coup, car partout j'vois d'ambition, j'aime me démarquer cette position. Alors j'balance mes textes en transe. Pour ceux qui m'ont remarqué, mon flow vient juste de débarquer. Mon nom est rappé, j'exprime ma passion, l'expression mon art, pas question de rater. J'ai la dalle, c'est pas prêt de partir. Je vous mets à tous, même à l'amende, je brise tout, y'a de la demande. Ça mon pote, un ancien texte, on trouve, écoute ça mec dans ta tête. C'est BNR qui résonne 2007. Oh là là mon pote, grave-moi ça direct. Bouge pas, c'est pas chez moi iPod, mets la clé USB, on va mettre tout ça, on va blinder 4 gigas mon pote.